Ah, on ne le dira jamais assez, hein. Les trous noirs, c'est troublant. Eh oui, eh oui, eh oui. Les astronomes ont été surpris, hein, lorsqu'ils ont dépouillé en 2013 les données acquises avec le télescope Hubble sur la galaxie NGC 5548. Ils ont aperçu, en fait, un flot de gaz ionisé qui se mouvait d'une façon très curieuse. Ce flot de gaz, bougeant très vite, a la particularité de bloquer presque la totalité des rayons X mou produits par le trou noir supermassif de NGC 5548. Bon, en fait, par son disque d'accrétion. Hein. Donc, pour essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe là-haut, au centre de NGC 5548, une équipe internationale a réussi à utiliser pas moins de 5 télescopes spatiaux spécialisés dans les rayons X, c'est-à-dire tout ce qu'on a de disponible. SWIFT, NuSTAR, Chandra, XMM Newton et Integral. Ce que l'équipe internationale des Anglais, des Néerlandais, des Espagnols, des Italiens, des Américains, des Français, etc. Ce que l'équipe partie à la recherche de réponses a finalement trouvé, c'est que le jet de gaz ionisé observé absorbe près de 90% des rayons X et laisse passer le rayonnement ultraviolet, lui aussi produit au voisinage du disque d'accrétion du trou noir. Ce même jet de gaz ionisé fait aussi écran au gaz situé à proximité immédiate du disque d'accrétion, ce qui permet l'existence de vents très puissants jusqu'à des distances très faibles du disque d'accrétion. Les astrophysiciens ont pu dater depuis quand le phénomène a lieu. Il est relativement récent puisqu'il existerait au moins depuis 3 ans. Ce type d'observation est extrêmement rare sur ce type d'objet. Les astrophysiciens ayant mené cette recherche s'estiment très chanceux d'avoir pu mettre un tel comportement en évidence. On sait désormais un peu mieux comment de puissants vents de gaz ionisés permettent aux trous noirs supermassifs d'expulser de grandes quantités de matière dans les noyaux de galaxies actives. Et dans les quasars plus gros que NGC 5548, ces types de vents pourraient même réguler l'évolution à la fois du trou noir supermassif et celle de la galaxie hôte. Je vous invite à écouter les explications de Megan Newell, chercheuse doctorante britannique, qui fait partie de du consortium qui s'est penché activement sur NGC 5548 et qui est bien évidemment une co-auteure de l'article en question paru dans Science. Évidemment, c'est en anglais et c'est ci-dessous, là, tout de suite. On retrouve cet article dans Science qui s'appelle A Fast and Long-Lived Outflow from the Supermassive Black Hole in NGC 5548 et également en préprint sur Archive, dont je mets le lien en bas de ce post.